Bruce. Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 19h. Bonsoir, il est 19h et vous êtes sur Radio Campus pour écouter l'avant-dernière émission de Soigne ta gauche. En effet, cette série d'émissions que nous devons à Jean-Jacques Angelini s'arrête ce mois-ci, faute de temps pour certains animateurs d'émissions. Vous retrouverez Jean-Jacques dans V'là le travail le vendredi. Ce n'est pas le cas pour Angle d'attaque que vous pourrez retrouver le troisième samedi du mois à partir d'octobre de midi à 13h. La prochaine étant le 20 octobre. Écoutez nombreux. Angle d'attaque, l'émission de l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne continue sur 106,6 MHz. Le format de l'émission devrait évoluer. Nos deux dernières productions ont montré la voie sans pour autant quitter l'esprit qui nous a animés jusqu'à maintenant. L'actualité, un grand thème peut être deux par émission, des lectures et les rendez-vous de moi-même Antoine. Un mot sur les thèmes. Nous allons rencontrer celles et ceux qui veulent vivre conformément à leurs idées et à leurs idéaux. Celles et ceux pour qui le monde n'est pas une marchandise, des altères quoi, qui développent des monnaies locales, qui développent le principe d'agriculture paysanne, qui se réunissent pour financer des projets de l'économie sociale et solidaire, qui défendent des principes de démocratie directe aussi et surtout. En un mot, celles et ceux qui font vraiment bouger les vraies lignes. La première émission aura lieu le samedi 20 octobre avec un invité ou une invitée dont on attend la confirmation, mais dont on attend surtout qu'elle nous explique ce que la société peut attendre de l'économie sociale et solidaire, ce qui sera le thème, et de cette alter-économie. Ce n'est pas rien, puisque, faut-il le rappeler, il y a maintenant un ministre de l'économie sociale et solidaire dont les langues, sûrement mauvaises, disent qu'il est l'homme de gauche du gouvernement. En attendant, de quoi parle-t-on ce soir et avec qui? René va nous le dire. Oui, merci Antoine. Eh bien, ce soir, nous allons reparler du pacte budgétaire. Alors, Didier Delinotte nous avait présenté au cours de notre dernière émission du 30 août les dangers que représente ce pacte que le gouvernement veut faire ratifier rapidement par voie parlementaire. Mais nous n'avions que peu de temps à lui accorder. Et encore en annexe du thème principal qui était, je vous le rappelle, le collectif eau. Le collectif pour un retour en régie publique de l'eau sur la métropole lilloise. Seulement, les enjeux liés à la ratification de ce traité sont tellement importants que nous avons décidé de consacrer une émission entière à ce thème. Parce qu'il faut quand même savoir que ce traité remet en cause la souveraineté budgétaire, la souveraineté populaire, qu'il nous soumettra à des règles contraignantes et permanentes, qu'il est à la fois une aberration économique, facteur d'injustice sociale, et qu'il ne fera qu'aggraver la paupérisation de l'Europe. Et, plus grave encore, qu'il ferme la porte à toute alternative à la politique européenne menée jusqu'ici, voire menace même à terme l'Union européenne dans ses fondements et risque aussi de précipiter les États et les peuples, qui, quand ils n'en pourront plus, vers des choix de gouvernement autoritaire et fascisant. C'est donc pourquoi, avec l'intervention de Sébastien Paul Wesch, je dois dire aussi que Didier Delinotte ne peut pas être parmi nous ce soir, car comme c'était prévu, pour des raisons familiales. C'est donc avec Sébastien Paul Wesch, donc du Parti de gauche, que nous allons nous pencher de nouveau sur ce traité, ses implications, et également vous parler de la campagne lancée pour l'obtention d'un référendum. Alors, une petite précision, Sébastien est membre du Parti de gauche, Mais nous rappelons qu'ATTAC n'est pas affilié à ce parti, ni à aucun parti politique d'ailleurs. Bon, c'est juste une petite précision, mais que nous estimons nécessaire. Voilà, donc nous pouvons passer au thème principal. Sébastien, Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Je commence les questions, donc. D'abord, qu'est-ce qu'un traité européen ? Alors, je pense peut-être que je vais faire une rapide petite présentation de ce que sont les institutions européennes, ne serait-ce que pour situer l'enjeu. D'accord. Aujourd'hui, les institutions européennes telles qu'elles existent, le socle était posé par le traité de Rome en 1957, qui a ensuite été modifié par moult traités, l'acte unique, le traité de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice et le dernier en date, le traité de Lisbonne. Ces institutions, dans leur mode de fonctionnement, présentent déjà des carences du point de vue démocratique. Elles sont largement dominées par le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif au niveau européen, il est représenté par le Conseil, qui est en fait l'émanation des ministres des différents pays membres, et par la Commission, qui est un organisme exécutif qui est désigné par le Conseil, et qui a, dont le rôle est d'assurer le fonctionnement courant de l'Union européenne. Mais là où ça pose question déjà dans son fonctionnement, c'est que ces institutions disposent non seulement de prérogatives d'ordre exécutif, mais également législatives. C'est par exemple la Commission qui a l'initiative de l'essentiel des règlements, enfin le monopole même de tout ce qui est normatif et législatif au niveau européen. Et disons que la Commission européenne est un gouvernement. Est un gouvernement, on est d'accord. Au niveau de l'échelle de l'Europe. De et, le Conseil partage avec le Parlement le pouvoir législatif. Mais le Conseil européen est représenté par les chefs d'État et de gouvernement des ouais. différents pays Alors, européens. Bien sûr, il y a une représentation des chefs d'État. Néanmoins, il est pour le moins curieux qu'un organe exécutif ait des prérogatives d'ordre législatif. Ça, c'est une remise en cause, en fait, du principe de séparation des pouvoirs qui fonde les repères démocratiques oui, généraux, quoi. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est pas remis en cause. Alors, je vais quand même revenir à l'objet principal du débat. L'idée, c'était de resituer Mais un peu... Quelle est la relation avec le TSCG et le MES ? Alors, que signifie TSCG et MES, d'ailleurs ? Excuse-moi, une chose à la fois. La particularité de ce traité, à la différence des traités précédents, c'est que les traités précédents, en fait, étaient des traités d'ordre généraux qui portaient sur le fonctionnement des institutions. Là, il s'agit d'un traité ad hoc qui porte sur, dont le nom c'est la stabilité, la coordination et la gouvernance, et qui porte sur le pacte budgétaire. Est-ce que tu peux définir exactement ce qu'ils entendent, enfin ce que les décideurs entendent par stabilité, coordination et gouvernance ? En fait, ce traité vise comment dire ? Son but, c'est de... il apporte des modifications à des règles qui étaient déjà prévues au sein du traité de Maastricht, par exemple sur les règles sur le déficit ou sur l'endettement public. Oui. Alors, c'est peut-être pas le point essentiel, et je voudrais continuer mon développement de ce qui fonde la D'accord. différence de ce traité-là. C'est effectivement qu'il est... c'est un traité sur un point particulier. Notamment pour, économique. Pour revenir effectivement à ta question sur ce traité, sur la stabilité, tout ça. Donc le premier constat qu'on fait, c'est que c'est un traité qui instaure l'austérité à perpétuité. C'est un traité qui durcit les dispositions existantes. Puisque par exemple, là où le traité de Maastricht parlait d'une règle de déficit public, le déficit public, toute administration publique confondue, ne devait pas dépasser 3% du PIB. Là, le texte actuel impose une règle d'équilibre et le déficit ne pourrait pas dépasser 0,5 point du PIB. L'autre aspect des choses, c'est qu'il amène, il pousse les États à réduire massivement leur dette publique. Puisqu'ils sont censés, les États qui sont en déficit excessif sont censés la réduire à hauteur de 5% par an. Ah oui. Donc c'est effectivement très, très contraignant. Pour situer un peu l'ordre d'idées, cette baisse, c'est de l'ordre d'une CENI de 90 milliards d'euros par an, enfin 90 milliards d'euros pour la France, soit 10 points de TVA. Donc c'est vraiment très significatif. Donc justement, s'il est ratifié, donc le traité entre en vigueur dès 2013 en France, et c'est dès 2013 qu'il faudra réduire de 90 milliards d'euros notre déficit. C'est bien ça. Alors, il y a un point qui me paraît important de souligner, c'est que dans un premier temps, ce traité ne concernera que les États qui l'ont ratifié. Oui. Là, pour l'instant, il y a 10 États qui ont ratifié ce traité. Pour pouvoir entrer en vigueur, il faut que 12 des 17 États membres de la zone euro aient ratifié ce traité pour qu'il entre en vigueur à partir de 2013. Déjà. Ce qui signifie que la France pourrait très bien ne pas ratifier le traité. Et dans ce cas-là, elle ne s'appliquerait pas à elle. Tout à fait. D'accord. Oui, c'est ce que je voulais souligner aussi. D'accord. Alors, ce qu'il faut quand même dire, et ce qui est important dans cette situation, c'est que on parle de ces chiffres-là que j'ai cités peuvent paraître abstraits. Pour autant, ils auront des conséquences très concrètes sur les dépenses publiques et sur l'activité. Tout récemment, oui, j'ai pu lire une interview de Joseph Stiglitz, qui est un ancien directeur de la Banque mondiale, et qui s'est exprimé pour dire finalement, comme le front de gauche, que les dispositions de ce traité étaient absurdes et aggraveraient la crise, parce que toutes les dispositions visant à cadenasser finalement la dépense publique, on les a déjà vues en œuvre. On les a vues en œuvre en Espagne, on les a vues en œuvre en Grèce, au Portugal. Au Portugal, effectivement. En Espagne, le chômage a doublé. En Grèce, il a également fortement augmenté. La dette de la Grèce, depuis la mise en place des 9 plans de relance successifs, elle a augmenté de 25 points. Donc, en fait, ces traités sont complètement absurdes. Ils aggraveront la situation et en réalité, ils reposent sur un diagnostic qui est erroné. C'est-à-dire qu'ils reposent sur l'idée que l'origine de la crise, c'est la dette publique, alors que la dette publique, elle a été gonflée à partir de 2008 par les plans de rattrapage des banques. Il faut quand même souligner que jusqu'en 2007, la plupart des États n'avaient été dans l'épure des règles fixées en matière d'endettement public. Aucun, sauf la Grèce, ne dépassait la fameuse règle des 60% d'endettement public. Il y en avait même, comme l'Espagne, qui dégageait des excédents budgétaires. Aujourd'hui, oui, tous ces États ont été finalement plombés par le fait qu'il ait fallu renflouer les banques et que d'un coup d'un seul il y ait 15 points 30 20 points de dette qui enfin de d'endettement oui. supplémentaire. Mais il y a aussi les cadeaux fiscaux accordés aux entreprises du CAC 40, aux plus riches, qui ont commencé à creuser le déficit avant la crise déjà. Effectivement, il y a eu... C'est plus un problème de recettes en fait que d'excès de dépenses. Effectivement, je partage ton avis. Là, aujourd'hui, les questions d'endettement public, cette question-là a été provoquée dans un horizon récent, le fait qu'on ait renfloué les banques, mais également par le fait qu'on ait, de manière constante, depuis les années 80, et ça s'est accentué les 10 dernières années, qu'on ait réduit les impositions des ménages les plus favorisés, les impositions des entreprises. Mmh. Ce qu'on sait, c'est que la part des dépenses publiques dans le revenu national, elle est stable. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a appauvri l'État. On a appauvri l'État en privatisant, voilà. On a appauvri l'État en baissant les impôts. Et effectivement, on crée les conditions d'avoir des niveaux de déficit et d'endettement public qui sont aujourd'hui devenus faramineux. Mais alors concrètement, ce sont les services publics qui vont le morfler le d'abord. Quel genre de service public ? Effectivement, si on lit les dispositions du traité, et ça, c'est là le vice de ce traité-là, c'est que il contraint les États non seulement quant à un objectif de réduction de l'endettement et du déficit public, mais également quant aux moyens d'atteindre cet objectif. Les dispositions du traité prévoient que la Commission soit finalement garante et définisse les moyens par lesquels les États vont devoir baisser leur endettement public. C'est par la mise en place de réformes structurelles, de remise en cause du droit du travail, de remise en cause des services publics, de privatisation, de finalement toutes les réformes, entre guillemets, qui ont été mises en place par la Troïka, c'est-à-dire par le FMI, par la BCE, et par l'Union européenne. Et qui ont mis en coupe réglée des États comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et peut-être demain la France. Donc un tour de vis supplémentaire. Un tour de vis supplémentaire. On parle justement là, à propos des 0,5% de déficit, on parle de déficit structurel. Est-ce que tu peux expliquer un peu la notion de déficit structurel pour les auditeurs? Alors, bon, effectivement, c'est dans ce débat-là, la difficulté, c'est que c'est sur l'appréciation de la notion de déficit structurel qui est finalement le déficit, comme son nom l'indique, qui est lié à la structure de l'économie hors phénomène conjoncturel. Alors, c'est peut-être pas forcément... Hors crise grave. Là, l'essentiel du débat qu'on a à mener, je pense notamment que ce qui caractérise ce traité, c'est son contenu antidémocratique. Alors là, je voudrais un peu développer cette idée-là. Antidémocratique dans ses conditions de ratification. Dans ces conditions de ratification, on ne donnera pas la parole au peuple. On ratifie ça par voie parlementaire. En catastrophe, en douce et à l'arrache. C'est un traité qui, comme je le disais tout à l'heure, qui pourra s'appliquer sans que la totalité des États ne l'ait ratifié. Ça rompt les règles qui étaient définies au niveau européen. Alors, dans un premier temps, ça ne s'appliquera qu'aux États l'ayant ratifié. Mais il y a plus grave, c'est qu'à partir de 2018, il pourra s'appliquer à tous les États. Il pourra être intégré, y compris à des États qui ne l'auront pas ratifié. Et ça, c'est quand même grave du point de vue démocratique. Et est-ce qu'il... L'autre aspect des choses, c'est que finalement, ce traité soustrait à la délibération des décisions importantes et il crée de l'automaticité là où auparavant il y avait de la délibération. Oui. Et ça, c'est un point important, c'est que par exemple, il prévoit des mesures d'ajustement et des réformes structurelles qui se mettent en place de manière automatique. Il soumet les États à des amendes automatiques. Ce sont des pans entiers de la souveraineté populaire qui sont remis en cause. Tout à fait. Il y a quelque temps, on parlait du MES, du mécanisme européen de stabilité. Quelle est la relation avec maintenant le TSCG, le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance européenne ? Effectivement, tout le vice en fait des institutions européennes, c'est d'avoir disséminé les dispositions relatives finalement au cadenassage des dépenses publiques dans plusieurs textes juridiques. On a un puzzle austéritaire qui se met progressivement en place. Là-dedans, on a le TSCG. Qui est en fait un traité qui définit un certain nombre de règles budgétaires et économiques. Et on a à côté un traité sur le mécanisme européen de stabilité, qui est déjà ratifié et qui, lui, met en place une institution financière qui va gérer un fonds de soutien aux États qui prend la place en fait, d'un fonds de soutien qui avait été mis en place de manière temporaire. Et donc, ce qui est grave, c'est que ce traité sur le MES posait une conditionnalité stricte, c'est-à-dire que les États, pour bénéficier de ce fonds de soutien, devront ratifier le TSCG. Oui, voilà. Nous allons faire une première pause musicale. Il était une fois des souris qui avaient élu à leur tête une bande de chats tout gris qui avaient l'air plutôt honnête. La première loi des chats tout gris fut d'élargir les souricières pour pouvoir choper les souris sans se salir les pattes arrière. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Mais les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat. Les souris toutes rabougries voulurent chasser les chats tout gris. Alors elles votèrent massivement pour une bande de chats tout blancs. La première loi des chats tout blancs qui avait promis le changement fut d'élargir les souricières pour soulager leurs pattes avant. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Non, les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat. Oui, oui, oui, oui. Les chats moitié blancs, moitié gris. Moitié gris, moitié blanc. Les souris élurent pour changer. Les chats moitié gris, moitié blanc. Elles appelèrent sa cohabiter quand une souris sortit du rang. Pourquoi, dit-elle, élire des chats? On devrait élire des souris. Les autres lui dirent c'est les rats, sale communiste, va-t'en d'ici. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Non, les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat. Non, les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Non, les souris ne comprenaient pas qu'elles se feraient bouffer tant qu'elles voteraient pour des chats. Allez, c'est le dimanche prochain. Ici Angle d'Attaque, l'émission sur Radio Campus. Nous reprenons notre émission sur le TSCG, traité de stabilité et de coordination de gouvernance européenne. Nous sommes toujours avec Sébastien Polvech et nous allons en fait avec René qui affûte ces questions traiter de la renégociation donc de ce traité. Hein. Oui, tout à fait. Donc Sébastien, nous t'écoutons. Alors effectivement, parmi les arguments qui pourraient nous être opposés, il y a ce fameux argument sur la renégociation du traité, renégociation qui n'a pas changé un seul mot dans le contenu du traité, des dispositions budgétaires. La seule chose finalement que François Hollande a renégocié, puisque c'était une de ses propositions lorsqu'il a été élu président de la République. La seule chose qu'il a obtenue, c'est un plan de relance, on peut même dire un mini plan de relance, de 120 milliards d'euros. Alors 120 milliards d'euros, ça peut sembler important, hein, mais il faut quand même le relativiser. C'est jamais que moins de 1% de la richesse nationale qui est fabriquée au niveau européen. C'est une mesure cosmétique. C'est une mesure qui ne durera qu'un temps. Et c'est une mesure qui est financée pour moitié par des crédits qui existaient déjà. Oui. Et je le répète, elle ne durera qu'un temps. En revanche, les dispositions budgétaires, elles s'appliqueront perpétuellement. Mm-hmm. Donc, Vitam aeternam. Et ad vitam aeternam. Et quelque part, il y a un peu une contradiction dans le texte de vouloir à la fois relancer et faire de l'austérité. Il y a quelque chose comme une injonction paradoxale qu'on a un peu de mal à comprendre, en fait. Oui. Justement, alors quelles sont les solutions alternatives qu'ils auraient pu proposer ou que l'on propose, nous? Je sais qu'on... Enfin, il avait essayé d'avancer, François Hollande, sur les euro-obligations, mais apparemment ça n'a pas abouti au cours du sommet européen de juin, je crois. Oui, alors il faut effectivement, François Hollande, lorsqu'il avait proposé ces trois négociations, alors le traité a été validé fin juin. Donc il est soumis à ratification des États. Et alors, s'agissant des solutions alternatives qui existent, je pense qu'on peut en revenir au diagnostic. Parce que le diagnostic à poser, c'est le fait qu'aujourd'hui, la crise, elle provient du pouvoir exorbitant qui est accordé au marché financier. Oui. Et la crise, ça n'est pas une crise de l'endettement public, c'est une crise de répartition des richesses. L'endettement privé a été stimulé comme... de manière à compenser finalement la perte de pouvoir d'achat des ménages pauvres et moyens et l'accaparement des richesses par les ménages les plus favorisés et par les actionnaires. Mm-hmm. Partant de ce constat, si on veut mettre en place des solutions qui soient efficaces et qui corrigent le problème à moyen long terme, eh bien, il faut remettre en cause le pouvoir exorbitant de la finance. Oui, c'est alors, déjà un premier point. Sachant que aujourd'hui, donc on répond à un effet et pas à une cause, et y compris on laisse perdurer des mécanismes, des structures de fonctionnement, des marchés financiers qui créeront les crises financières de demain. Et globalement donc, alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut nous mettre en place? Oui. Des choses simples qui existent et qui sont déjà mises en œuvre dans d'autres États. Je pense aux USA, je pense à la Grande-Bretagne. C'est par exemple le fait de permettre aux États d'emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne. Oui. D'accord. Ce qui réglerait une grande partie des problématiques de financement des États. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les banques prêtent à des taux exorbitants, alors qu'elles n'empruntent qu'au taux de 1%. Donc ça, c'est déjà une première solution. L'autre solution, c'est de taxer les flux spéculatifs de capitaux. Mais de les taxer vraiment. Pas comme la taxe qui est prévue. Notre TTF, notre taxation transactions financières, n'est pas suffisamment élevée. Ben c'est pas uniquement une question de taux, c'est surtout une question d'assiette. C'est-à-dire que, oui, par exemple, elle exclut, par exemple, les produits dérivés. Ah oui. Qui sont à l'origine de l'essentiel des mouvements spéculatifs de capitaux. Donc si on veut être efficace, il faut y soumettre ces produits-là. Et le faire à l'échelle européenne au minimum. Mais il y a déjà une taxe au niveau européen. C'est supprimer aussi les paradis fiscaux. Il y en a quand même plusieurs en Europe aussi. Oui, bien sûr. Il conviendra de remettre en cause les paradis fiscaux. Il y en a juste à côté. Mais je pense que l'essentiel aujourd'hui, si on veut résoudre nos soucis, c'est également de trouver des ressources nouvelles pour l'État. Et des ressources nouvelles pour l'État, il y a des moyens assez simples finalement de les trouver en remettant de la progressivité dans l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que depuis les années 2000, on a considérablement diminué le nombre de tranches et le taux d'imposition, qu'on a multiplié les fameuses niches fiscales. Donc là, il y a des marges de manœuvre considérables qui peuvent être dégagées. Il y a également le fait de relancer la consommation par l'augmentation des salaires. et par la mise en place de salaires, enfin de salaires maximum. C'est-à-dire parce que ce qu'on a dénommé autour de, du cercle vertueux qui contraindrait celui qui est le plus payé à maintenir des écarts de salaire qui restent réduits. Quoi. Peux-tu nous donner une fourchette ? Bah, ce qu'il y a, la fourchette qu'on a en termes de salaire maximum, c'est celle qui est revendiquée par la Confédération européenne des syndicats, qui est une fourchette de 1 à 20. Donc l'idée, oui. C'est qu'il ne peut pas y avoir un écart de plus de 1 à 20 entre la rémunération maximale et la rémunération minimale. Donc si le patron veut ou les dirigeants veulent fournir des rémunérations exorbitantes, ça suppose d'augmenter les rémunérations du bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, dans la politique européenne, puisque c'est une politique de... C'est au fond une fédération d'États concurrents, de revenir sur ce dogme de la concurrence et de prôner plutôt la coopération des États européens ? C'est-à-dire harmonie, et aussi harmonie fiscale, harmonie sociale, pour éviter cette course au moins 10 ans qui tue l'Europe depuis deux ou trois décennies. Ah, effectivement, ça fait partie des perspectives. C'est de remettre en cause, d'instaurer une harmonisation de la fiscalité vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, il y a une harmonisation qui se fait, mais elle se fait vers le bas. Tout à fait, oui. Par la baisse de l'impôt sur les sociétés dans la plupart des pays. Comme tu le disais, c'est remettre en cause les règles de concurrence. Donc notre position à ce traité, elle s'enracine dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est celle d'une remise en cause en fait, du fonctionnement des institutions européennes. Bien. Puisque justement, suite à cette décision brutale du gouvernement de faire ratifier ce pacte budgétaire, s'est créé donc un collectif exigeant un référendum qui regroupe bien sûr associations, partis politiques dont le vôtre, syndicats. Combien d'organisations ont rejoint ce collectif jusque maintenant ? Combien, je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la Fondation Copernic en fait partie, Attac également. Mm-hmm. Toutes les organisations du Front Gauche en font également partie, Parti communiste, Parti de gauche, Gauche unitaire, enfin, je n'ai pas toutes les citées. Des syndicats, il me semble que la FSU et Solidaire l'ont rejoint. La CGT, il me semble que c'est également en cours ou que c'est acté. En tout cas, il y a effectivement un grand nombre d'associations de partis politiques qui en font partie. Le but, c'est pas uniquement de se livrer à des commentaires doctes du traité. C'est bien entendu, nous, on est dans l'action, tous, hein, autant qu'on est. On pense qu'il y a des moyens d'action et qu'il y a moyen d'infléchir la position du gouvernement, y compris parce qu'au sein de sa majorité, ça tangue et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les dispositions de ce traité. Hein. C'est par exemple Europe Écologie, c'est certains députés sénateurs socialistes. Oui. Qui sont opposés au contenu de ce traité et à sa ratification. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre. Il y a une pétition qui est en ligne sur le site de l'Humanité que chacun peut signer pour demander la ratification du traité. Il y a des réunions publiques qui sont organisées et il y a surtout la grande manifestation du 30 septembre. Oui, dont Antoine nous parlera dans son calendrier militant. Tout à fait. Donc il y a la grande manifestation du 30 septembre qui aura lieu à Paris, de Nation à Bastille, l'après-midi à 13h30, il me semble. Pour ça, il y a des bus qui sont organisés au départ de Lille, au départ de Villeneuve-d'Ascq. Donc vous pouvez obtenir des informations sur ces bus en allant sur le site de Place au Peuple 2012.fr. Donc là, vous aurez la liste de tous les départs organisés par les organisations du Front de Gauche. Mais je ne doute pas que les autres organisations, FSU, Solidaires, organisent également des bus. Oui. Tout à fait. Je voulais peut-être revenir sur un point, enfin, au niveau national. Donc, face à cette remise en cause brutale donc des promesses de campagne électorale de François Hollande, il a fallu réagir vite, être très réactif. Comment ça s'est passé un peu ? Donc, ça doit se situer juste avant les vacances, quand on a commencé à se dire que quelque chose se préparait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Alors, comment ça s'est passé ? Bah, effectivement, ça fait plusieurs mois, en fait, qu'on sait qu'il y a un débat qui est en cours. D'abord, il y avait eu on en a parlé brièvement, la ratification du traité sur le mécanisme européen de stabilité. Ce traité-là avait d'ailleurs pu être ratifié grâce à l'abstention coupable des sénateurs et députés socialistes. Donc pour celui-là, ben c'est fait, c'est trop tard. Les choses sont venues se préciser suite au sommet européen du 28 et 29 juin, par lequel François Hollande a validé et a accepté le contenu du traité en échange du mini-plan de relance qu'il a obtenu. Et donc, s'agissant de la France, du calendrier qui a été choisi pour ratifier ce traité, il a été soumis cette semaine au Conseil des ministres et normalement il devrait être adopté donc courant octobre. Donc face à cela, le Front de gauche ainsi que les autres organisations se sont mobilisés durant l'été, durant le mois d'août, pour se rencontrer et puis décider ensemble d'actions à mener, que ce soit des manifestations, des réunions publiques. Les lettres envoyées aux parlementaires. Je crois qu'ici, sur le collectif local, c'est bien engagé dans cette action. Alors oui, effectivement, il y a du rôle des collectifs, et je dirais même des citoyens, que de ne pas hésiter à saisir leurs parlementaires, surtout s'il est socialiste, pour l'inciter à désobéir et à voter contre la ratification de ce traité. Par ailleurs, L'action du Front de gauche ne porte pas uniquement que sur la contestation, mais aussi sur le décryptage du traité. On a sur nos sites des documents qui analysent le contenu du traité, qui le mettent en perspective. On a également rédigé des livres. Il y a des documents, de la documentation qui est sortie. On peut citer notamment le livre de Patrick Le Yarrick, L'Europe des peuples nous appelle. Oui, donc, on peut peut-être le présenter au conseil de lecture tout à l'heure, ou tu veux le présenter tout de suite? On va faire une partie conseil de lecture tout à l'heure. Je crois que Germain et toi aurons quelque chose. On va se réserver ça dans quelques minutes. Okay. Voilà, peut-être, je crois que René a encore quelques questions. Oui, justement, tu as participé aussi à des opérations, à des tractages sur les marchés. Comment réagissent les gens quand vous les interpellez? Alors aujourd'hui, la plupart des gens ont une réaction assez indifférente, qui peut se comprendre, parce que ces dispositions sont complexes, c'est pas clair. En plus, ils ont déjà entendu parler du TSCG, même du MES. Les grands médias en parlent très peu. Vous avez également noté que François Hollande, dans sa dernière intervention, s'est bien gardé d'en parler. Donc il y a une volonté délibérée de ne pas parler de cette chose-là. Il n'y a pas de débat là-dessus. On peut dire qu'il y a un silence assourdissant. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas répéter ce qui s'est passé il y a 7 ans lors du TCE, du traité constitutionnel européen, où le référendum a abouti à un non. J'ai l'impression que c'est ça, non ? Qu'ils ont appris de cette expérience référendaire et qu'ils se garderont bien de soumettre à un référendum. Alors, ils se garderont bien, sous réserve que la mobilisation populaire les y contraigne pas. D'où la raison de la manifestation du 30 septembre. C'est tout l'enjeu, en fait, pour un référendum qui serait à quel moment le référendum ? au moment où le gouvernement le décidera. Hein. Nous, ce qu'on souhaiterait, je dirais même, indépendamment du référendum, ce qui réglerait la question, c'est tout simplement de ne pas le soumettre à ratification, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui oblige la France à ratifier ce traité. Oui. Et donc, en fait, tout dépend de la mobilisation durant cette campagne, de l'impact que ça peut avoir sur la population. Est-ce qu'on peut estimer avoir quelques chances d'obtenir du gouvernement un retour sur sa position ? Ben, je ne peux pas... Tout dépend, en fait, de ce que donnera la campagne. Je ne peux pas le garantir. Oui. Malheureusement, j'avais des talons divinatoires, ça se saurait. Mais le délai est quand même très court. Ben, le délai est court. Néanmoins, je pense que y a quand même des études d'opinion qui montrent que la population est quand même massivement opposée à l'austérité. Y compris il y a un sondage récent qui est paru qui indique que si le traité de Maastricht était soumis à nouveau au suffrage populaire, il serait rejeté. Donc le gouvernement prendrait beaucoup de risques, y compris par rapport aux échéances électorales futures, à soumettre ce traité en douce, sans tenir compte de ce que les peuples, de l'opinion publique et de la souveraineté populaire. Puis ce qu'il faut voir, c'est que ce traité aura des conséquences. En termes de politique publique, de politique budgétaire. Et je pense que la population ne se laissera pas faire. Et on fera tout pour faire en sorte que les gens ne se laissent pas faire et pour mobiliser la population, pour participer aux mobilisations. Peux-tu rajouter un petit mot sur le collectif local dans les quelques minutes qui nous restent? Est-ce qu'on a un peu de temps pour parler des actions qui sont programmées? Parce que moi, ce que je peux dire... Oui, très rapidement. Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont prévues, notamment le 2 octobre, il y a une réunion publique au gymnase vers 18h dans laquelle doit intervenir Francis Wurtz, qui est un ancien député européen de la gauche unitaire européenne, et qui présentera le traité. Donc ça me paraît être une échéance importante. Voilà. Et ça, rappelle la date, c'est le 2 octobre. Le 2 octobre. Donc nous donnons le 2 octobre à la salle du gymnase. Salle du gymnase à 18h. Salle du gymnase à 18h avec Francis Wurtz. D'accord. Eh bien, on va faire une pause musicale avant d'aborder les conseils de lecture et le calendrier militant. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le pourtant du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, la, la, la, la, la. Même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Oui, bonsoir, vous êtes toujours sur l'émission d'Angle d'Attaque concernant le TSCG, consacré au TSCG, au traité de stabilité et de coordination de gouvernance européenne, toujours avec notre invité Sébastien Polvech, qui a un livre à nous proposer à lire, un conseil de lecture. Peux-tu en parler ? Alors effectivement, dans le cadre du combat qui a été lancé par le Front de Gauche pour lutter contre la ratification de ce traité, il nous a semblé que la première des choses, c'était de le présenter, de l'expliquer et de le décrypter. Donc il y a en fait plusieurs livres qui sont sortis. Il se trouve que j'ai que celui-là en poche. Donc il y a le livre qui a été écrit par Patrick Le Yarrick qui décrypte, je dirais article par article, les conséquences concrètes de ce traité. Donc il s'appelle « L'Europe des peuples nous appelle » aux éditions de l'Humanité, vendu à un prix modique de 5 euros. Donc c'est pas un livre très cher et c'est un livre qui vous permettra de vous rendre compte par vous-même des conséquences concrètes de ce traité. On part du principe que tout simplement les arguments forment un esprit éclairé et qu'il me paraît important que les personnes... que les citoyens s'approprient ce débat. Il y a également un autre livre qui est sorti, qui a été écrit par Jean-Luc Mélenchon et Céline Meneses, qu'ils ont coécrit sur l'Europe austéritaire, qui décrypte également le traité, qui est également vendu au prix de 5 euros aux éditions Bruno Le Prince. On sait effectivement approprier cette chose-là. Je pense également que les économistes atterrés ont sorti un opuscule sur ce traité, sur ses conséquences. Donc il y a vraiment le moyen de disposer d'arguments décryptant et remettant en cause le traité, mais aussi proposant des alternatives, parce que des solutions, bon, j'ai fait que les effleurer, mais il y en a, quoi. Tout à fait. Je crois que Germain a également des conseils de lecture. Oui, moi, c'est un autre livre. Quand Lénine demande « Que faire ?»« S'organiser ?» répond Alinsky. Saul Alinsky a consacré sa carrière. C'est un sociologue américain de l'école de Chicago. Il a fondé sa démarche sur l'organisation des communautés défavorisées ou tout simplement désorganisées. C'est une figure emblématique de la culture populaire radicale. Ses théories et ses pratiques sont relatées dans une réédition française de l'ouvrage majeur d'Alinsky qui s'appelle « Être radical ». Alinsky, c'est un théoricien de l'action. Il a influencé de nombreuses organisations communautaires d'aujourd'hui. Alinsky veut donner le pouvoir aux pauvres pour objectif qu'ils reprennent leur destin en main. Il ne veut pas qu'on les aide. Il souhaite les organiser pour qu'ils acquièrent le pouvoir d'agir et atteignent l'autonomie. Car agir pour eux, sans leur donner de poids, c'est leur retirer de la dignité. Les palettes d'action d'Alinsky sortent du train-train militant. Pour lui, il faut toujours innover. Donc, par exemple, au niveau du contenu possible, une communauté noire de Détroit qui faisait pression sur Kodak, la grosse industrie du coin, afin d'obtenir l'égalité des embauches, il applique sa technique de ridiculiser l'ennemi par l'humour. Il déclarera d'ailleurs au sujet de la firme photographique « La seule chose que Kodak ait jamais faite contre la discrimination des Noirs par les Blancs est l'invention de la pellicule couleur ». et donc on ne survit pas au ridicule. Il utilise une technique de manifestation, mais en se tenant devant l'habitation du propriétaire d'un immeuble délabré, dans son voisinage ou même parfois dans le quartier des parents du propriétaire. Donc là, résultat assuré. Il envoie aussi des communautés dans un opéra habituellement fréquenté par l'entourage d'un entrepreneur bourgeois avec une plâtrée de cassoulet dans le ventre. Donc effet garanti, vous pouvez imaginer. Ses actions sont tellement bien préparées et bien jouées que même parfois il n'a pas besoin de les mettre en œuvre pour que l'adversaire cède. Il instaurera une école de formation pour organisateurs qui existe toujours aujourd'hui. Ce sont ces idées qui ont donné naissance à la démocratie participative et ce livre s'étend sur quelques-uns des quelques cas concrets, mais donne également les bases théoriques pour comprendre toute nouvelle situation, donc actuelle entre autres. La campagne d'Obama s'est basée sur les principes d'Alinsky, mais juste à des fins électorales. Il n'a pas émancipé les militants, car Alinsky agit par la base, quand d'autres pensent qu'il faut agir par le pouvoir. Donc, pour s'organiser, de Saoul Alinsky, c'est « Être radical », le titre, un manuel pragmatique pour radicaux réalistes, et c'est aux éditions Aden pour 16 €. Et je voudrais aussi remercier Edouard pour l'exemplaire de Fakir au sujet d'Alinsky qu'il m'avait gentiment donné. Eh bien, merci Edouard. Oui, eh bien, merci aussi Germain et Sébastien pour la présentation de ces deux livres. Et maintenant, Antoine, quels sont les prochains rendez-vous d'Attaque ? Eh bien, après plus de 100 jours pour le nouveau pouvoir politique en exercice, la rentrée militante est déjà riche de rendez-vous renvoyant principalement à deux chevaux de bataille, à savoir le TSCG et l'eau. Contre le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance européenne, en abrégé le TSCG, des rassemblements auront lieu, d'abord le samedi 22 septembre, de 14h30 à 17h, place de la Liberté devant la station Euro-Téléport à Roubaix, ensuite le samedi 30 septembre, à 14h, place de la Bastille à Paris, comme Sébastien l'a bien précisé. Alors c'est rejoint par un bus partant à 9h du métro Euro-Téléport à Roubaix et à 10h du métro Pont de Bois à Villeneuve-d'Ascq. Une participation financière minimale est demandée à hauteur de 5 à 10 euros selon les revenus des participants. Inscription jusqu'au 26 septembre via les contacts électroniques suivants. pgroubet@gmail.com. On peut donner également ton adresse électronique, Sébastien, ça te dérange pas? En fait, l'adresse à contacter, c'est pgcercle@lille.com. Eh bien voilà, comme ça c'est en direct. La prochaine réunion du comité d'Attaque Lille portera sur ce même thème le lundi 24 septembre à 19h30 à l'AMRES, rue Gosselet à Lille. Une conférence intitulée « Crise, par où la sortie ?» évoquera ce traité appelé « Pacte budgétaire ». Animée par Laurent Cordonnier, celle-ci fera intervenir les économistes Michel Husson et Jean Gadré. Ce sera le jeudi 27 septembre, de 18h à 20h, à l'espace culture à l'université de Lille 1, métro Cité Scientifique. Des économistes atterrés pourront également en parler lors d'une autre conférence intitulée « Une autre voie est possible en économie » et organisée par les Amis du monde diplomatique le lundi 1er octobre à 20h au théâtre La Rose des Vents, boulevard Van Gogh, à Villeneuve-d'Ascq. Autre thème de bataille pour le retour en régie publique de l'eau à Lille, Lille Métropole Communauté Urbaine, ou LMCU, connue comme plus communément sous l'abréviation LMCU, plutôt qu'un débat public promis auparavant, propose trois ateliers, se déroulant à l'hôtel de la communauté urbaine rue du Ballon à Lille, proche de la gare de Lille Europe. L'un autour de la gestion des ressources en eau, le vendredi 21 septembre, l'autre concernant la consommation durable et l'accessibilité à l'eau, le vendredi 19 octobre, et le suivant renvoyant au mode de gestion des services de l'eau, le vendredi 23 novembre. Tous les trois sont programmés le matin, de 9h à 13h pour les deux premiers, et de 8h30 à 12h30 pour le dernier, rendant impossible la présence de citoyens contribuables travaillant en semaine la matinée. Propriétaires occupants ou bailleurs, même locataires, ainsi que gérants d'hôtels, de restaurants et de bars, souhaitant en payer moins cher le mètre cube d'eau, apprécieront modérément le souci démocratique version LMCU, pouvant ensuite se dédouaner d'avoir officiellement demandé l'opinion aux usagers. Est-ce fortuit ou un jeu de dupe ? Je vous en laisse juge. En tout cas, si vous avez la possibilité de vous libérer durant l'une de ces trois matinées, ou durant les trois matinées d'ailleurs, je vous invite fortement à vous y rendre, réserver votre participation en contactant le collectif pour un retour en régie publique de l'eau via collectif.eau@laposte.net, son blog étant collectif59eau.blogspot.com. D'ailleurs, plusieurs membres du collectif Eau vont se rendre demain matin donc à LMCU pour ce premier atelier. Et là, ils verront si vraiment on les écoute ou s'ils sont là en simple spectateur. C'est donc un premier test. Voilà, je rappelle donc collectif.eau@laposte.net et le blog étant collectif59eau.blogspot.com. À propos, ce collectif se réunira le mercredi 3 octobre à 18h30 à Lamresse, rue Gosselet à Lille, et les amis du monde diplomatique proposent d'aborder le thème de l'eau le vendredi 10 octobre à 20h30 dans cette même maison associative lilloise. Sûr que les assises citoyennes se réunissant dans ce même lieu et le même jour, mais à 18h30 le 10 octobre, reviendront autant sur des sujets tels que le TSCG et le MES, Mécanisme européen de stabilité, que l'eau et les gaz de schiste. Je vous rappelle qu'une manifestation contre l'exploitation des gaz de schiste pratiquée par fracturation hydraulique est prévue après-demain, samedi 22 septembre, à 14h30 à Tournan-en-Brie, c'est à l'est de Paris, qu'un bus rejoindra au départ de l'hôtel de ville de Lille avec un départ à 10h, avec deux arrêts à Lens à 10h30 et à Arras à 10h30. 45. Il y a une petite participation de 25 euros. Maintenant, ça dépend du nombre de participants, bien sûr. Et je vous invite de contacter rapidement Christine Poilly au 06 21 68 30 87. 66 21 68 30 87. Simplement, donc samedi 22 septembre, c'est la journée mondiale contre l'exploitation des gaz de schiste. Voilà, il y a d'autres manifestations organisées, notamment en France, dans le sud de également, dans d'autres pays européens. Et notez enfin dans votre agenda deux autres manifestations à prévoir, prévues d'abord pour soutenir la santé en danger et contre les franchises médicales, le samedi 6 octobre à Paris, à 12h30, au métro Port-Royal et à 14h devant l'hôtel Matignon, d'où gouverne le Premier ministre, puis une autre manifestation pour l'emploi et contre l'austérité, le mardi 9 octobre à Lille. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre blog, où vous aurez un calendrier militant beaucoup plus exhaustif. Là, le temps me compte et je ne peux pas tout donner, bien sûr. Donc, je vous rappelle le blog attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, là, donc cette fois-ci le samedi 20 octobre 2012, entre 12h et 13h, abordera le thème de l'économie sociale et solidaire. À bientôt. Chers auditeurs et auditrices, merci à tous, Sébastien, René, Germain. Tus palabras vibran paz y armonía.